smart, so soft and manly. Dans le cadre de la 4e édition du festival AfroPixel, nous vous annonçons le lancement Jang Out, la première web radio d'Efko ak Niop de Kerchosan, Villa pour l'art et le multimédia, autour de la notion de jardin de résistance. Venez découvrir les atmosphères, les espaces et les acteurs qui font marcher la transmission du savoir au sein des communautés dans le contexte d'une ville comme Dakar. À découvrir également une tranche spéciale autour de la notion de résistance intime ou collective dans les villes comme Dakar, Alexandrie, Madrid ou Bruxelles, avec une équipe dynamique composée de journalistes internationaux de Madrid à Kédougou en passant par Dakar et Rufus. Chers amis, vivez des moments inoubliables du festival AfroPixel 2014 par la magie de la web radio en écoutant en direct streaming mais aussi en téléchargeant les émissions via le site internet www.coeur-chosan.com. Le festival AfroPixel 2014, un rendez-vous à ne pas manquer.